En Grande-Bretagne, pour féliciter le deuxième lancement d'essai de notre fusée balistique intercontinentale de type Phason 14, l'Association d'études de la politique de Songun, le Cercle d'études des études Jutsu, l'Association d'amitié avec la Corée et le Comité de solidarité pour la paix et la réunification de la péninsule coréenne ont publié une déclaration commune, alors que la filiale de Stockholm 30 du Cercle d'études des études Jutsu, une déclaration. Les déclarations ont indiqué: le lancement d'essai de la Corée est le droit légitime de l'État souverain pour la défense nationale. Le peuple coréen a renforcé par tous les moyens la dissuasion nucléaire. C'est une mesure juste face à l'acte d'agression de l'impérialisme américain qui recourt aux diktats et à l'arbitraire partout dans le monde.